Chapitre 12e. Comment vivait à Castle Marling. Depuis 10 jours environ, Isabelle habitait sa nouvelle demeure lorsque Lord et Lady Mountsevern arrivèrent à Castle Marling. Ce n'était pas un château, autant le dire maintenant, mais seulement le nom d'une ville presque contiguë à l'endroit où était leur habitation, propriété de peu d'importance. Lord Mountsevern accueillit bien Isabelle, Lady Mountsevern également, mais à sa manière. Son abord, toutefois, fut si rogue, si insolemment protecteur, que le rouge de l'indignation monta aux joues d'Isabelle. Et s'il en fut ainsi à la première entrevue, imaginez ce que cela dut être plus tard. Manque d'égards blessants, petites vexations, ennuis qui découragent, s'accumulèrent sur la jeune fille comme pour essayer jusqu'où s'étendaient les dernières limites de sa patience. Isabelle se tordait les mains de chagrin quand elle était seule, et désirait ardemment trouver un autre refuge. Lady Mountsevern ne vivait que pour être admirée, et elle rassemblait autour d'elle tous ceux qui pouvaient lui offrir l'encens de leur admiration. Elle poussait ses coquetteries aussi loin que possible, sans jamais cependant dépasser les bornes des convenances. Il n'y avait pas au monde femme moins disposée à s'oublier, ou à mettre en péril sa bonne réputation, qu'Emma, comtesse de Mountsevern. Il n'y avait pas, d'autre part, femme qui eût un plus sanglant mépris pour celle qui venait à s'oublier. Elle possédait au plus haut point la quintessence de l'envie et de l'égoïsme. On ne l'a jamais vue inviter chez elle une femme jeune et séduisante. On aurait plutôt invité la lèpre en personne. On peut maintenant se rendre compte de sa colère lorsqu'elle apprit qu'Isabelle Vane devait continuellement vivre sous le même toit qu'elle. À Noël, il vint quelques visiteurs, principalement des jeunes gens, et ils dissimulèrent assez mal qu'ils se sentaient plus attirés vers la jeune beauté que vers la despotique comtesse. Ils exaltèrent même tellement sa colère au-delà de toute limite qu'un jour, dans une scène d'intérieur, oubliant tout pour ne se souvenir que de sa rage, perdant la notion des plus simples bienséances de la vie, la comtesse traita Isabelle d'odieuse intruse dont on ne souffrait la présence que parce qu'on ne pouvait s'en empêcher. Le comte et la comtesse avaient 2 enfants, 2 garçons. Au mois de février, le plus jeune, qui avait toujours été fort délicat, vint à mourir. Cet événement modifia quelque peu les plans qu'ils avaient arrêtés. Au lieu d'aller à Londres après Pâques, comme cela avait été décidé, ils résolurent de ne s'y rendre qu'au mois de mai. Le comte avait passé une partie de l'hiver à Mountsevern, surveillant les réparations et les modifications qu'on y faisait. Le lundi de la semaine sainte, Madame Levison, la grand-mère de Lady Mountsevern, arriva avec Francis Levison pour séjourner quelque temps à Castle Marling. Les choses marchèrent assez bien jusqu'au vendredi saint, mais c'était un calme trompeur. La jalousie de Milady couvait sous la cendre, car les attentions du capitaine Levison pour Isabelle lui faisaient perdre la tête. Dans l'après-midi du vendredi saint, Isabelle se promenait avec le petit William Vane. Le capitaine Levison les rejoignit. Ils ne reparurent à la maison que vers l'heure du dîner, heure à laquelle ils rentrèrent tous les 3 ensemble. Tout le temps que dura leur absence, Lady Mountsevern avait fait pénitence, car Madame Levison l'avait retenue auprès d'elle. Aussi sentait-elle s'échauffer sa bile contre Isabelle. Pour paraître à table, il était nécessaire de changer de toilette. Isabelle monta donc à la hâte à sa chambre. Elle avait quitté sa robe et revêtu un peignoir. Marvel, debout derrière elle, lui arrangeait les cheveux. Et William babillait à ses pieds lorsque la porte s'ouvrit tout à coup et Milady entra brusquement. « Où avez-vous été ? » demanda-t-elle toute tremblante de colère. Isabelle devina ce qu'allait se passer. « Me promener dans le parc et les champs. » répondit-elle. « Comment osez-vous vous compromettre de la sorte ?»« Je ne vous comprends pas, » fit la jeune fille dont le cœur commençait à battre péniblement. « Ne suffit-il pas qu'on vous ait accordé un asile chez moi ?» reprit Lady Mountsevern, « sans qu'il vous faille aussi déshonorer cette maison. 3 heures durant, vous vous êtes cachée avec Francis Levison. Depuis le moment où il est arrivé, vous n'avez songé qu'à faire la coquette avec lui. » Cette attaque à brûle-pourpoint fut plus longue encore et plus rude, mais telle en fut à peu près la substance. Isabelle, aiguillonnée à la résistance, monta à un degré d'emportement qui ne le cédait que de peu à celui de la comtesse. Une part est sortie, et devant sa servante, elle, la fille d'un comte, elle, bien mieux née qu'Emma Mountsevern, être ainsi ignominieusement accusée par la folle jalousie d'une autre. Isabelle arracha sa chevelure des mains de Marvel, se leva d'un bond, et regardant en face la comtesse, s'efforça de mettre du calme dans sa voix. « Je ne fais pas la coquette. Je n'ai jamais fait la coquette. Je laisse cela. » Elle ne put complètement enlever à son accent l'impression de mépris qu'elle ressentait. « Je laisse cela aux femmes mariées. quoiqu'il me semble que ce soit une faute moins véniale de leur part que de la part de celles qui n'ont point de mari. Dans cette maison, ainsi que je m'en suis aperçu depuis que je l'habite, il n'y a qu'une personne qui sache faire la coquette. Cette personne, ce n'est pas moi, c'est vous, Lady Mountsavern. » Cette vérité de la vie intime, une fois décochée, sa seigneurie s'avança blanche de rage. Oubliant qu'elle était une femme, et une femme née dans un rang supérieur, elle leva la main et frappa d'un coup violent la joue gauche d'Isabelle. Interdite, terrifiée, la jeune fille se soutenait à peine, et à moins qu'elle eût pu dire un mot ou faire un geste, elle sentit à son autre joue se lever la main de Milady, qui laissa tomber à ce qu'on soufflait. Isabelle frissonna comme d'un froid soudain, et il s'échappa de sa poitrine un cri aigu et pénétrant. De ses deux mains, elle se voila la face outragée, et s'affaissa sur sa chaise. Marvel, saisi de frayeur, leva les yeux au ciel, et William Vane n'aurait pas hurlé plus fort s'il avait été le battu. L'enfant, c'était une nature impressionnable, avait été effrayé. Lady Mountsavern termina cette scène en bousculant William pour le bruit qu'il faisait, puis elle le jeta hors de la chambre en lui disant qu'il n'était qu'un petit singe. Isabelle passa une nuit sans fin, versant des larmes de douleur et d'indignation. Elle ne voulait plus rester à Castle Marling. Le pouvait-elle après un tel outrage? Et cependant, où devait-elle aller? 50 fois, pendant le cours de la nuit, elle se souhaita dans la tombe reposer son père, car ses sentiments dominaient sa raison. Elle se leva, faible et languissante, des suites d'une nuit de chagrin. Marvel lui apporta son déjeuner. Bientôt après, William Vane arriva en cachet dans la chambre. Cet enfant éprouvait déjà pour Isabelle un attachement remarquable. « Maman va sortir ce matin, s'écria-t-il. Regardez Isabelle. » Isabelle alla à la fenêtre. Lady Mountsavern était dans une petite voiture attelée d'un poney. Francis Levison tenait les guides. « Nous pouvons descendre maintenant, continua William. Il n'y aura personne. » Elle y consentit et descendit avec l'enfant. À peine furent-ils entrés dans le salon qu'un domestique se présenta, portant une carte sur un plateau. « C'est un monsieur qui désire vous voir, ma lady. Moi ?» reprit Isabelle avec étonnement. « Vous voulez dire Lady Mountsavern ?»« Non, my lady, c'est vous qui l'a demandé. » Elle prit la carte. « Monsieur Carlyle !»« Oh » murmura-t-elle d'un ton d'agréable surprise. « Faites entrer !» C'est une chose curieuse et effrayante à la fois de suivre fil à fil la trame d'une existence humaine. On voit comment les circonstances les plus ordinaires conduisent aux grands événements de la vie, amenant avec elles la fortune ou la misère, le bonheur ou le chagrin. Un des clients de Carlyle, voyageant d'un bout à l'autre de l'Angleterre, fut arrêté par la maladie dans la petite ville de Castle Marling. Cela paraissait devoir être une maladie grave avec des chances de mort. Il n'avait pas, comme on dit, mis ordre à ses affaires, et Carlyle fut demandé en toute hâte par le télégraphe pour recevoir le testament du malade et satisfaire à d'autres intérêts privés. Simple incident que ce voyage, et cependant il allait être, pour l'avoué, le point de départ d'événements qui ne finiront qu'avec sa vie. Carlyle entra sans affectation et un homme bien élevé, comme toujours, avec sa noble tournure, son visage séduisant et ses yeux mélancoliques. Isabelle s'avança à sa rencontre, tendant la main et trahissant sa joie dans toute sa contenance. « Voilà qui est inattendu, » dit-elle. « Combien je suis charmée de vous voir. Mes affaires m'ont appelé hier à Castle Marling. Je ne pouvais quitter de nouveau sans vous faire visite. J'apprends que Lord Mountsavern est absent. Il est en France, » répliqua-t-elle. « Je disais bien que nous nous rencontrerions encore. Vous en souvenez-vous, Monsieur Carlyle, vous ?» Isabelle s'arrêta. Ses paroles, vous en souvenez-vous ? Lui rappelait aussi l'histoire du billet de banque, et ce qu'elle allait dire s'arrêta sur ses lèvres. Elle devint confuse, car hélas, ce billet, elle l'avait changé et en partie dépensé. Pouvait-elle faire autrement ? Aurait-elle dû demander à Lady Mountsavern l'argent dont elle avait besoin ? Quant au comte, il était presque toujours absent. Carlyle s'aperçut de son embarras, sans pouvoir cependant s'en rendre compte. « Le beau garçon ? » s'écria-t-il en considérant l'enfant. « C'est Lord Dane, » fit Isabelle. « Un cœur sincère et affectueux, j'en suis sûr, » continua-t-il, en admirant l'air franc et ouvert du bambin. « Quel âge avez-vous, mon petit homme ? » 6 ans, monsieur. » Isabelle se pencha sur l'enfant. C'était une manière de masquer la gêne qu'elle éprouvait. « Vous ne connaissez pas ce monsieur, » dit-elle. « C'est monsieur Carlyle, qui a été très bon pour moi. » Le petit lord leva ses yeux réfléchis sur l'avoué, comme pour l'étudier et savoir ce qu'il était. « Je vous aimerai, monsieur, si vous êtes bon pour Isabelle. Êtes-vous bon pour elle ?»« Très bon, murmura la jeune fille. » Puis, quittant William, elle se tourna vers Carlyle, sans oser cependant le regarder. « Je ne sais que dire, » balbutia-t-elle. « Je devrais vous remercier. Je ne compte pas me servir du... m'en servir, mais je... Bon, » interrompit-il en riant, « j'ignore ce dont vous me parlez. J'ai un grand malheur à vous révéler. » Arrachée pour un moment aux pensées qui l'obsédaient, elle releva subitement la tête, lui laissant voir ainsi ses joues brûlantes et ses yeux pleins de honte. « Deux de vos poissons sont morts, » reprit l'avoué, « les poissons dorés, morts. Oui, je crois que c'est la gelée qui les a tués. Vous avez été bien bon de prendre soin d'eux tout ce temps. Et dites-moi, » continua-t-elle, « comment va Estlein ? Ce délicieux séjour est-il occupé ? Pas encore. J'ai dépensé quelque argent pour ses propriétés et il faut maintenant qu'elle paye les déboursés. » L'excitation produite par l'arrivée de Carlyle s'était dissipée, et Isabelle redevenait elle-même, c'est-à-dire pâle et triste. Il ne put s'empêcher de remarquer à haute voix qu'il la trouvait changée. « Je ne puis m'attendre à me porter aussi bien à Castle Marling qu'à Eastline, » répondit-elle. « J'espère que cette demeure est pour vous une demeure heureuse, » se hasarda à dire Carlyle, sous le coup de ce qu'il venait d'entendre. Elle lui lança un regard qu'il ne devait pas oublier, regard significatif et à travers lequel perçait le plus vif désespoir. « Non, » fit-elle en secouant la tête, « je ne puis rester ici. J'y suis trop malheureuse. Je n'ai pas dormi de la nuit, me creusant la tête pour savoir où aller. Je ne sais que faire. Je n'ai pas un ami dans le monde entier. » Lord Vane s'approcha de Carlyle. « Isabelle m'a annoncé ce matin qu'elle se sauverait de chez nous, » s'écria l'enfant. « Voulez-vous que je vous dise pourquoi ? Maman l'a battue hier quand elle était en colère. « Taisez-vous, William !» interrompit vivement la jeune fille dont le visage s'était subitement empourpré. « Deux grandes claques sur les joues !» insista le jeune vicomte. « Et Isabelle a pleuré, et moi j'ai crié, et maman m'a frappé à mon tour. Mais ça m'est égal. Les enfants sont faits pour recevoir des coups. Ma bonne me l'a dit. Marvel est venue dans ma chambre quand nous prenions le thé et elle a tout raconté à ma bonne. Elle assure qu'Isabelle est trop gelée et que c'est pourquoi maman... » Lady Isabelle arrêta la langue de l'enfant, sonna violemment et le conduisit à la porte, l'envoyant dans sa chambre par le domestique qui était accouru. Les yeux de Carlyle brillaient d'une indignation pleine de sympathie. « Est-il possible que cela soit vrai ? » demanda-t-il à voix basse quand elle revint près de lui. « En vérité, vous avez besoin d'un ami. » « Je dois supporter mon lot, » répliqua-t-elle, cédant au mouvement intérieur qui la portait à se confier à Carlyle. « Je patienterai jusqu'au retour de Lord Mount Severn. » « Et alors ?»« Alors j'ignore ce que je ferai, » dit-elle. Et des larmes rebelles, s'échappant plus vite qu'elle ne pouvait les étouffer, roulèrent sur ses joues. « Je voudrais pouvoir vous venir en aide. Que puis-je faire ?»« Rien, absolument rien. Que pourrait-on faire ?»« Je voudrais pouvoir vous venir en aide, » répéta-t-il. « Isla n'était pas à tout prendre un agréable séjour pour vous, mais il me semble qu'en le quittant, vous n'avez pas gagné au change. »« Pas un agréable séjour ?» reprit-elle. Les souvenirs de sa vie passée lui apparaissant en ce moment comme une délicieuse vision. « Oh, ne me dites pas cela. C'était au contraire un séjour enchanteur. Je n'en aurais jamais un plus agréable. Oh, monsieur Carlyle, ne cherchez pas à déprécier Isla à mes yeux. Fasse le ciel que j'en sois maintenant au réveil. » Ne voyant dans ces derniers mois qu'un rêve hideux. Pourquoi ne puis-je retrouver mon cher père? Pourquoi ne puis-je ressaisir cette existence si calme et si tôt écoulée? Pour moi, Eastline serait maintenant un véritable Éden. Qu'allait répondre l'avoué? Quelle émotion agitait toute sa personne, retenait son souffle et colorait son visage? Il n'y a qu'un moyen, fit-il en saisissant la main de la jeune fille et en jouant nerveusement avec elle, sans probablement avoir conscience de ce qu'il faisait. « Il n'y a qu'un moyen pour vous de retourner à Eastline, et ce moyen, j'ose à peine vous l'indiquer. » Elle le regarda, attendant une explication. « Si mes paroles vous offensent, Lady Isabelle, n'en tenez pas compte, et pardonnez-moi. Puis-je, oserais-je, vous offrir de retourner à Eastline comme sa maîtresse légitime ?» Elle ne comprit pas le moins du monde, elle ne saisit point la portée de ce qu'il voulait dire. « Retourner à Eastline comme sa maîtresse légitime, » répéta-t-elle stupéfaite, « et comme ma femme. » Il n'était plus possible de ne pas le comprendre à cette heure, et bien grand furent le choc et la surprise. Elle avait été là, près de Carlyle, à ses côtés, causant tout abondant avec lui, ayant le sentiment qu'il était son plus sincère ami sur la terre. se tournant vers lui au fond de son cœur comme vers un excellent port de refuge, l'aimant comme elle aurait aimé un frère, et souffrant que sa main restât dans la sienne, mais être sa femme. Cette idée jusqu'alors ne s'était présentée à elle sous aucune forme, et le premier mouvement de son âme fut celui d'une opposition absolue. Sa première manifestation fut pour l'exprimer. Il essaya de faire quelques pas en arrière et de retirer sa main. Mais il n'en fut pas ainsi, car là elle ne le souffrit pas. Non seulement il retint cette main qu'on voulait retirer, mais il s'empara de l'autre également, et à présent que la glace était brisée, il fit entendre d'éloquentes paroles d'amour. Non pas les phrases banales d'une rhapsodie qui ne veut rien dire, mais de ces mots, partis du cœur, indice d'une affection profonde, calculée pour agir sur l'esprit et le bon sens, aussi bien que sur l'oreille et le cœur. Et il est possible qu'Isabelle, si elle n'avait pas eu l'imagination envahie du souvenir d'un autre, eût été portée à répondre oui, sans hésiter. Ils furent brusquement interrompus. Lady Mountsoverne venait d'entrer, et d'un coup d'œil elle avait embrassé toute la scène, l'attitude penchée pleine d'affection de Carlyle, les mains qui l'emprisonnaient encore dans les siennes, et l'air embarrassé et confus de la jeune fille. Elle releva fièrement la tête, promena autour d'elle son petit nez inquisiteur, puis elle s'arrêta court devant eux. Son froid regard demandait une explication autant que les yeux peuvent le faire. Carlyle se tourna vers elle et, voulant laisser à Isabelle le temps de se remettre, il s'efforça de se présenter lui-même. « C'est Lady Mountsoverne, » fit Isabelle, recouvrant sa présence d'esprit. « Je suis fâché que Lord Mountsoverne soit absent, car j'ai l'honneur d'être connu de lui, je suis M. Carlyle. » « J'ai entendu parler de vous, » répliqua Milady en fixant sur lui un regard scrutateur. « Mais je n'avais jamais entendu dire que vous, Isabelle Vane, fussiez en des termes d'une intimité telle que... madame, » riposta l'avoué en l'interrompant et en lui présentant une chaise en même temps qu'il en prenait une pour lui-même. « Nous n'avons jamais été jusqu'à présent dans les termes d'une intimité extraordinaire. Je priais mademoiselle de permettre que cela pût être. Je lui demandais de vouloir bien devenir ma femme. » Cet aveu fut pour la comtesse comme une bouffée d'encens, et sa mauvaise humeur se fondit en rayons de soleil. C'était une solution à son grand embarras, une échappatoire par laquelle elle pouvait enfin se délivrer de sa bête noire, l'odieuse Isabelle. Une lueur de satisfaction éclaira son visage, et elle devint des plus gracieuses pour l'avouer. « Combien Isabelle doit vous être reconnaissante, » dit-elle. « Je parle à cœur ouvert, Monsieur Carlyle, parce que je sais que vous connaissez le manque de protection où l'a laissé l'imprévoyance du comte. Et puis-je savoir quelle est la réponse de Lady Isabelle ?» ajouta vivement la comtesse en se tournant vers la jeune fille. Isabelle ne daigna pas répondre, mais s'approchant de Carlyle, elle lui dit à voix basse, « Voulez-vous m'accorder quelques heures de réflexion ?»« Je suis trop heureux. Que ma demande vous semble digne d'être prise en considération, » répliqua l'avoué, « car cela me laisse quelque espoir. » Et se disant, il ouvrit la porte pour qu'elle pût sortir. « Je reviendrai ici dans l'après-midi. » Lady Isabelle, dans la solitude de sa chambre, eut avec elle-même un débat plein de perplexité, tandis que de son côté, Carlyle s'entretenait avec Lady Mountsoverne. Isabelle n'était guère qu'une enfant, et c'était en enfant qu'elle raisonnait. La surface, le côté purement superficiel des affaires, c'était là tout ce qui s'offrait à sa vue. Que Carlyle ne fût pas d'un rang égal au sien, elle s'en souvenait à peine. Et cela, il lui paraissait une très belle situation dans la vie, et de tout point, grandeur, beauté et importance, ce domaine l'emportait sur la demeure qu'elle habitait actuellement. Elle oubliait que sa position à East Lynne, comme femme de l'avoué, ne serait pas ce qu'elle avait été quand elle y résidait comme fille de Lord Mountsoverne. Elle oubliait qu'elle serait enchaînée à une existence tranquille, qu'elle se verrait fermer les portes du haut monde, des pompes et des vanités pour lesquelles elle semblait née. Elle avait beaucoup d'affection pour Carlyle. Elle se plaisait à se trouver en sa compagnie. Elle aimait à causer avec lui. Enfin, n'eût-il eu que cet autre caprice de mauvais augure qui s'était glissé en son cœur, elle aurait couru le danger de se prendre d'amour pour Carlyle. « Cela se présente sous de si favorables auspices !» s'écria en elle-même la pauvre enfant. « Mais il y a malheureusement un autre côté à la question. Ce n'est pas seulement que je n'éprouve pas un amour sincère pour M. Carlyle, mais c'est que je crains d'être sur le point d'aimer le capitaine Levison. Pourquoi l'ai-je rencontré sur ma route ? Pourquoi ne demande-t-il pas d'être sa femme ? Le monologue d'Isabelle fut interrompu par l'entrée de Madame Levison et de la comtesse. Cette dernière, on le conçoit, avait déployé toute son éloquence pour gagner la vieille dame à sa cause. Toutes deux, maintenant, mirent en jeu tous les arguments possibles pour la décider à accepter Carlyle. La vieille dame déclarait qu'on ne lui avait jamais présenté quelqu'un qui lui fût plus sympathique. Selon elle, il valait une douzaine de ses cerveaux vides du grand monde. Isabelle l'écoutait, incertaine et pleine d'anxiété. Ne sachant quel parti prendre, et qu'en bas l'après-midi, sa pauvre tête était encore en proie à la perplexité la plus pénible. La pierre d'achoppement qu'elle ne pouvait éviter était Francis Levison. De sa fenêtre, elle vit approcher Carlyle, elle le vit se diriger vers le salon, il ne savait pas ce qu'elle allait répondre. Un instant, elle eut l'idée vague et fugitive de réclamer un nouveau délai et d'écrire sa réponse. Francis Levison était dans le salon et le cœur de la jeune fille battait à tout rompre. Ces battements de son cœur semblaient l'avertir qu'elle ne devait pas en épouser un autre. « Où vous êtes-vous caché ?» fit Levison dès qu'il la vit entrer. « Je suis arrivé à temps pour me faire présenter à M. Carlyle. À tout prendre, il a l'air d'un bon diable, et je vous fais mon compliment. » Elle fixa sur lui ses yeux limpides. « Ne craignez rien, » continua le capitaine. « Nous sommes en famille, et je ne trahirai pas le secret. » Isla est une résidence qui n'est pas à dédaigner, et je vous souhaite, Isabelle, tout le bonheur possible. « Grand merci, » fit-elle d'un ton ironique, tandis que sa poitrine se soulevait et que ses lèvres tremblaient. « Vous vous y prenez de bonne heure pour m'adresser vos félicitations, capitaine Levison. Est-ce trop tôt? Alors réservez mes bons souhaits pour quand viendra l'heure mortelle. Je suis, pour ma part, en dehors du giron, et je n'ose pas songer à entrer dans l'état béni du mariage. J'ai rêvé comme tant d'autres, mais je ne puis prendre sur moi de m'y décider sérieusement. Un pauvre homme, avec un avenir fort incertain, doit se borner à papillonner, peut-être jusqu'à la fin de ses jours. » En achevant ces mots, il quitta la chambre. Il était impossible à Isabelle de se méprendre à son langage. Pour la première fois, la pensée se fit jour en son esprit que c'était un homme faux et sans cœur. Un des domestiques apparut, introduisant Carlyle. Ce n'est pas lui que l'on aurait pu accuser d'égoïsme et de fausseté. Il ferma la porte et s'approcha d'Isabelle. Elle ne pouvait parler. Ses lèvres étaient blêmes et tremblantes. Carlyle attendit. « Eh bien, » dit-il enfin de sa douce voix, « vous en êtes-vous résolu à accueillir ma prière ?»« Oui, mais... » Elle ne put continuer, tant il lui était difficile de maîtriser son émotion. « Mais, j'allais vous dire... »« Voyons, calmez-vous, » murmura-t-il en la conduisant au sofa. « Rien ne nous presse actuellement, Isabelle. »« Oh, vous venez de me rendre bien heureux. »« Je voudrais vous dire... »« Il faut que je vous dise... » reprit-elle tout en versant d'abondantes larmes. Que tout en répondant oui à votre proposition, je ne puis... Cette demande m'a prise à l'improviste. J'ai beaucoup d'affection pour vous, je vous estime et vous respecte, mais je ne me sens pas encore d'amour pour vous. Je serais étonné qu'il en fût autrement, mais vous me laisserez gagner votre amour, Isabelle. Oh oui, répondit-elle avec chaleur, je l'espère. Il l'attira plus près de lui, pencha sur elle son visage et prit sur ses lèvres son premier baiser. Isabelle le laissa faire, comprenant qu'il avait déjà acquis le droit d'en agir ainsi. Carlyle resta le jour suivant, et avant qu'il partît dans la soirée, on avait discuté les divers arrangements. Le mariage devait se faire immédiatement. Il y avait plusieurs raisons pour en précipiter l'accomplissement. Carlyle aspirait anxieusement à ce que cette tendre fleur fût son bien. De son côté, Isabelle était fatiguée de Castle Marling, elle avait hâte d'en sortir. Quant à la comtesse, elle ne demandait qu'une chose, se débarrasser au plus vite de la jeune fille. La bénédiction nuptiale devait avoir lieu dans le courant du mois. La célérité avec laquelle on avait arrêté toutes les mesures nécessaires excita à un haut degré la verve railleuse du capitaine Levison. Car là, il écrivait au comte, et Lady Mountsevern annonça qu'elle ferait présent du trousseau. Au moment de s'en aller, Isabelle s'accrocha littéralement après Carlyle. Je voudrais pouvoir vous emmener sur le champ, ma bien-aimée, murmura l'avoué, car il me répugne de vous laisser ici. Je le voudrais aussi, soupira-t-elle. Vous n'avez vu, hélas, que le beau côté de Lady Mountsevern.